إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله Aujourd'hui on est arrivé au chapitre باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. Et c'est le cours numéro 22 dans la série des durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Donc le titre de ce chapitre en français, c'est le chapitre sur les temps où il est interdit de faire la salah. Les temps dans lesquels il est interdit de faire la salah. Hier, avant de commencer, j'aimerais juste mentionner que j'ai vérifié pour les hadiths. Le hadith qu'on avait mentionné, كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. Au sujet de sujud al-tilawa. Et c'est un hadith qui est daïf. Il est mentionné dans Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 472. D'accord? Dans Irwa al-Ghalil. Et l'autre hadith que j'avais mentionné, عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. رواه الحاكم. Ça c'est un hadith qui est sahih. Cheikh Al-Bani il l'a mentionné dans son livre Al-Jami', Sahih Al-Jami' Al-Saghir. Donc il est dans les hadiths mentionnés dans ce livre, et donc il a dit qu'il est sahih. Donc ça c'est les deux hadiths au sujet desquels j'avais pas mentionné le hukum, parce que j'avais pas eu le temps de vérifier malheureusement. Donc là je vous clarifie ça. De toute façon, alhamdoulillah, j'avais fait déjà les corrections dans le fichier audio au sujet des cours d'hier, donc j'avais déjà fait la correction. Donc tout est corrigé dans l'audio, et donc si vous l'écoutez, vous n'allez pas entendre, vous allez entendre que la correction a été faite, inshallah. Donc on commence aujourd'hui notre dars. Le cheikh il dit: سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع ويجدر بنا الآن أن ننبه على أنه توجد أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثنى وهي أوقات خمسة. الشيخ يقول que on a expliqué maintenant une série de règles au sujet des prières surérogatoires qui sont pas obligatoires. Et donc, il dit que ce serait bien pour l'instant maintenant d'expliquer et de mentionner. Il y a des temps, certains temps dans lesquels il est interdit de faire des prières. Donc, ce serait bien de mentionner c'est quoi ces temps-là, pour les clarifier, pour qu'on soit au courant, inshallah. Et le chef, il dit que ce sont cinq temps différents durant la journée. Il dit, al-awwal, من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. Donc ce hadith là il est rapporté par Abu Dawood et Ahmad et At-Tirmidhi. Non. Donc ça c'est sahih, c'est un hadith sahih. dans Sahih al-Tirmidhi, le Cheikh l'a mentionné, Cheikh al-Albani. Donc, Alhamdulillah, le Cheikh il dit que à partir du deuxième aube, le deuxième, comme on sait qu'il y a al-Fajr al-Awwal ou al-Fajr al-Thani, le premier Fajr et le deuxième Fajr, c'est-à-dire al-Fajr al-Awwal, c'est quand il y a, disons, la lueur qui monte dans le ciel, et al-Fajr al-Thani, c'est quand il y a réellement la démarcation, hein, quand il y a la ligne blanche qui sépare la noirceur du ciel. Donc, à partir de ce moment-là, jusqu'au lever du soleil, il dit c'est pas permis de faire des prières surérogatoires. Tu fais uniquement la prière obligatoire et les deux rak'at de Fajr, c'est tout. Hein, il dit Rawahu Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, etc. Donc, il dit فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّ تَطَوُعًا إِلَّا رَاتِبَةَ الْفَجْرِ. Donc, si le Fajr s'est levé, tu ne dois pas prier de prière surérogatoire, excepté les prières, les deux sunnas de Fajr, c'est tout. Après, le Cheikh il dit الثاني طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. Donc le Cheikh il dit que le deuxième temps où c'est interdit de faire des prières surérogatoires, c'est le temps après que le soleil a commencé à se lever, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la distance d'une lance pour l'œil humain. C'est-à-dire, quand tu regardes le soleil à l'horizon, ok, avec ton œil, eh ben, tu regardes comme si la distance d'une lance environ, que le soleil est détaché de l'horizon, et qu'il est monté dans le ciel à la distance, environ la distance d'une lance, dans ce cas-là, tu peux commencer à faire des prières surérogatoires à partir de ce moment-là. Mais entre le temps où le soleil commence à se lever, c'est pas permis de faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier dans ce moment-là parce qu'il a dit que c'est le soleil se lève entre les deux cornes du shaitan. Non. Et c'est les moments où les mushrikines adorent le soleil. Ensuite, le shaykh dit والثالث عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة الغرب لقول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تهرب رواه مسلم. Donc le cheikh il dit que on a un autre exemple aussi des moments où on n'a pas le droit de faire la prière, c'est l'exemple numéro 3, c'est lorsque le soleil arrive dans près de son zénith, lorsqu'il est presque arrivé à son zénith, jusqu'à ce qu'il arrive au zénith. Donc, à ce moment-là, on ne doit pas faire de prière. Et comment on peut savoir que le soleil arrive à cette position-là? C'est par l'ombre. C'est-à-dire, on voit que notre ombre, elle est arrêtée. C'est comme si, c'est-à-dire, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. C'est-à-dire, elle est comme là, elle est au-dessus, on la voit même plus, elle est en-dessus de nous, complètement en-dessus de nos pieds. Parce que le soleil est presque au-dessus de notre tête, directement en haut. Donc, on ne voit pas notre ombre à ce moment-là, excepté parce qu'il est perpendiculaire à nous. Donc dans ce sens-là, il est comme directement dans le même sens que nous. Yani. Donc on ne voit pas l'ombre à ce moment-là. Donc à partir du moment où le soleil arrive proche du zénith, jusqu'à ce qu'elle arrive, au zénith, puis qu'elle dépasse encore un petit peu, alors là, on n'a plus le droit de prier. Et on sait que c'est à ce moment-là qu'après que le soleil a dépassé le zénith, c'est à ce moment-là que la prière de Zohr commence, le temps de la prière de Zohr commence après. Donc il dit que la preuve de ça, c'est le hadith de Uqba ibn Amir. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il nous a interdit de, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier dans trois temps, pendant trois périodes. Et il a dit qu'il nous a interdit également d'enterrer nos morts dans ces trois moments-là également. Et il a mentionné le temps où le soleil commence à se lever dans le ciel, quand il sort de l'horizon, quand il commence à monter, à ce moment-là on ne peut pas prier ni enterrer les morts. Et lorsque il commence à monter vers la, près de la, du temps de la prière de Dhuhr, c'est-à-dire avant la prière de Dhuhr, on n'a pas le droit de prier non plus. Et également il dit au moment où le soleil va se coucher, on n'a pas le droit non plus de faire de salat volontaire à ce moment-là également. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim. D'accord ? Donc c'est un hadith sahih. Et il dit à Rabia, le troisième temps où on n'a pas le droit de prier, il dit min salat al-asri ila ghurub ash-shams. On n'a pas le droit de prier de la, à partir du moment où on a fait la salat al-asr jusqu'au coucher du soleil, on ne fait pas de prière volontaire. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la salat ba'd al-fajr hatta tatla' ash-shams wa la salat ba'd al-asr hatta taghib ash-shams. متفق عليه. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète a dit il n'y a pas de prière après la prière de Fajr jusqu'à ce que le soleil se soit levé, et il n'y a pas de prière après la prière de Asr jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Donc ça c'est, comme j'ai dit, متفق عليه. الوقت الخامس, le cinquième temps, c'est quoi? إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب. Donc il dit que le cinquième temps, c'est lorsque le soleil a commencé à se coucher, hein, il a, c'est-à-dire on va dire que par exemple le cercle du le disque solaire commence à toucher l'horizon jusqu'à ce qu'il ait complètement dépassé l'horizon. Et bien dans ce temps-là aussi c'est interdit, jusqu'à ce qu'il soit complètement caché en dessous de l'horizon, c'est interdit, mais ça rentre également dans le coucher du soleil. Yani. Le cheikh il dit وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. C'est un hadith aussi rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et le cheikh il explique avant de mentionner ce hadith, il dit que sache qu'il est permis de faire les prières qu'on a manquées, hein, si on a manqué une prière obligatoire, on a le droit de la faire durant cette période-là, à cause du hadith qui est général, que le prophète, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a dormi lors d'une prière, ou bien qui a oublié sa prière, qu'il la fasse lorsqu'il s'en souvient ou lorsqu'il se réveille. Hein. Et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est un hadith sahih, et ça montre que si par exemple tu te réveilles dans un moment où la prière est interdite de faire des prières, un moment où c'est interdit de prier, ou bien tu te réveilles, tu te souviens que tu dois faire une prière, par exemple tu as fait la prière de Asr avec les gens, puis tu as oublié que tu n'avais pas fait le Zohar, tu te dis ah c'est vrai j'avais pas fait le Zohar, mais après la prière de l'Asr, on n'a pas le droit de faire la prière, mais étant donné que c'est une prière que tu avais manquée, et bien dans ce cas-là, tu dois la faire, même si c'est une période de temps où les prières ne sont pas permises. Et le cheikh il dit وَيَجُوزُ أَيْضًا فِعْلُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ رواه الترمذي وصححه فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي ولأن الطواف جائز في كل وقت وكذلك ركعتاه. Donc le cheikh il dit également c'est permis de faire les deux rak'a du tawaf dans toutes les périodes, dans n'importe quel moment. Et c'est-à-dire quand tu fais ton tawaf, après tu fais deux rak'a, Cheikh il dit, et n'empêchez, il mentionne un hadith dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abu Dawood, Tirmidhi et An-Nasa'i et Ibn Majah, dans lequel il dit, n'empêchez pas personne qui a fait le tawaf de faire une salat, qui a fait le tawaf de, autour de la Al-Ka'ba, et qui a prié, et de prier à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. De la nuit ou du jour. C'est-à-dire, ne les empêchez pas de faire ça. Après, il dit que, donc, c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi, et At-Tirmidhi l'a authentifié. Et il est rapporté selon Jubair ibn Mut'am. Et j'ai vérifié dans Sahih Irwa, il est Sahih dans Irwa al-Ghalil, c'est le hadith numéro 481. Donc, il dit, le cheikh, que ça c'est une permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les faire à tous les temps, à n'importe quel temps, même si c'est des temps interdits, parce que le tawaf est permis à tout instant. Et donc, ces deux rakats là sont permis également à tout instant. Après, il dit, ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف للأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فتحمل على ما لا سبب له فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات Donc le cheikh il dit que il est permis selon l'opinion des ulama qui est la plus correcte de faire des prières qui ont une cause dans ces périodes interdites. Donc il donne comme exemple de prières qui ont une cause, il dit as-salawat ou salat zat al-asbab, c'est-à-dire les prières qui ont une cause, comme la prière de la janaza. Sa cause, c'est la mort de quelqu'un. Tahiyatul masjid, le salut de la mosquée. Quand tu rentres, la cause de ces deux rakats-là, c'est quoi? C'est le fait que tu entres dans la mosquée. Salat al-kusuf, la cause de salat al-kusuf, c'est quoi? C'est quand il y a une éclipse, hein. Donc, le fait qu'il y ait cette cause-là, ça fait en sorte que tu peux la faire. Et tu as le droit de le faire parce que c'est des choses qui arrivent pas, qui arrivent dans n'importe quel moment. On peut pas savoir quand ça arrive. Et donc, à cause de ça, c'est des choses qui sont permises de les faire à n'importe quel temps. Même si c'est des temps où les prières sont interdites. Et par exemple, bien sûr, il y a une différence d'opinion entre les ulama à ce sujet-là. Toutefois, le cheikh il clarifie que c'est la position la plus correcte. Et il y a la question, par exemple, si quelqu'un veut faire l'istikhara, salat ou l'istikhara, au moment où on est dans un temps d'interdiction, eh bien c'est la même chose, parce que ça fait partie aussi des prières qui ont une cause. Comme par exemple, quand il y a quelque chose qui se présente dans la vie de quelqu'un, et qu'il doit faire l'istikhara, eh bien s'il fait l'istikhara à ce moment-là, pour avoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa décision, et bien dans ce cas-là, c'est permis de le faire parce que ça fait partie des prières qui ont une cause spécifique et ça risque de ne pas se représenter à un autre moment ou des choses comme ça. Donc s'il ne la fait pas là, à ce moment-là, il risque de perdre cette occasion. Donc c'est mieux de. Il est permis de le faire dans ces situations-là. Et le cheikh il dit que c'est donc permis de les faire à cause des preuves qui montrent ça. Et il dit وَتَخُصُّ عُمُمُ النَّهِ عَنِ الصَّلَاتِ فِي هَذِي الْأَوْقَاتِ. Il dit donc que les hadiths qui montrent l'interdiction de prier dans certaines périodes de temps de la journée sont des hadiths ou des preuves qui sont générales, tandis que ces causes-là, pour ces prières-là, c'est des preuves qui sont spécifiques. Et donc, elles viennent, disons, limiter ou clarifier, spécifier la permission de prier ces certaines prières-là durant, par rapport à ces preuves qui sont plus générales. Et bien, c'est des choses qui sont spécifiques. Et donc, disons que à cause de ça, on prend ces hadiths-là qui sont spécifiques à propos de ces prières qui ont une cause, et puis donc c'est comme si, c'est comme ça qu'on réunit les deux. En fait, il n'y a pas donc de contradiction, parce que certaines ces preuves qui interdisent de prier dans des moments de la journée sont des preuves générales, tandis que ça c'est des exceptions qui nous montrent que c'est permis dans certains cas de le faire pour des prières qui ont une cause spécifique. Donc ça c'est une explication que le cheikh a donnée. Tandis que si ce ne sont pas des prières qui ont une cause, si ce sont juste des prières qu'on fait dans le but de faire des prières surérogatoires sans aucune cause, c'est interdit de les faire dans ces temps-là. D'accord ? Et après le cheikh dit « وَيَجُوزُ قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا سِيَمَا إِذَا جَمَعَ الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى صلاة الظهر أو سنة الظهر بعد العصر. Le cheikh il dit que il est permis de faire la prière de les deux rak'at de Fajr après la prière de Fajr, hein, la sunna qu'on fait avant Fajr, c'est permis de la faire après la prière de Fajr si on n'a pas eu le temps de la faire avant. Et de même que c'est permis de faire la sunna de Dhuhr après l'Asr, si on n'a pas eu le temps de la faire après le Dhuhr ou avant le Dhuhr. Et il dit le cheikh que c'est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la sunna de Dhuhr après l'Asr, et ça c'est mentionné dans le hadith de Salama qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Puis une petite note au sujet de la sunna de Fajr. C'est que il y a beaucoup de musulmans qui viennent par exemple du nord de l'Afrique, que ce soit le Maroc ou l'Algérie. Souvent ils sont confus un peu à propos de la question de Al-Subh et Al-Fajr. J'ai remarqué que chez eux, souvent ils font la distinction entre Al-Subh et Al-Fajr. Et donc on dirait que pour certains frères, le Subh c'est Al-Fard et Al-Fajr c'est Al-Nafila. Donc il distingue entre les deux, il donne deux noms différents pour l'obligatoire et le surérogatoire ou la sunna. Toutefois, il n'y a pas vraiment de distinction quand on regarde dans la sunna, il n'y a pas de distinction entre ces deux noms-là. Al-Subh ou Al-Fajr, les deux sont utilisés pour l'obligatoire. C'est-à-dire le Subh, c'est la prière obligatoire des deux rak'at obligatoires qu'on fait, et Al-Fajr, c'est aussi les deux prières obligatoires qu'on fait le matin. Donc, qu'est-ce qui fait la distinction? C'est qu'on dit, quand c'est l'obligatoire, on dit Al-Fard, et quand on parle des deux rak'at qui sont Sunna Mu'akkada, et bien dans ce cas-là, on dit la Sunna de Fajr, hein, ou bien la Sunna de Subh. Mais c'est pas la distinction par un nom spécifique, que ce soit Subh ou Fajr. Et ça, des fois, ça cause des confusions. Parfois, quand on mentionne le Fajr, les gens ils savent pas est-ce qu'on parle du Fard ou bien de la Sunna. Donc, c'est pour comprendre qu'en réalité, on parle toujours de la Sunna quand on dit. On parle toujours de l'obligatoire quand on parle de Fajr. D'accord? Ou bien de Subh. Les deux, c'est utilisé pour l'obligatoire. Naam. Donc on va continuer maintenant un autre chapitre. On commence le cheikh dit babun fi wujub salat al-jama'ati wa fadliha. C'est-à-dire un chapitre au sujet de l'obligation de faire la prière en jama'a et son mérite, c'est-à-dire le mérite de prier en groupe. Donc le cheikh il explique et il dit Naam, il dit في وجوب صلاة الجماعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات بل هي أعظم وأظهر شعائر الإسلام لشيخ الذكر شعيرة عندي principe يعني إذا des fondements parmi les pratiques de l'islam, hein, et les rites de l'islam, il y a le rite de la prière en jama'a, et la pratique de la prière en jama'a, c'est-à-dire en groupe, en commun, ensemble, à la mosquée. Et les ulama sont tous d'accord pour dire que d'établir les cinq prières en groupe à la mosquée fait partie des choses les plus certaines parmi les obéissances et les obligations et les rapprochements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit même que c'est un des plus importants parmi les rituels de l'islam. Et il dit ensuite, فَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْاجْتِمَعُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةِ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour cette umma de se réunir dans des temps spécifiques, bien connus. وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَةِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات. Il dit parmi ces temps-là, il y a le fait qu'on s'est réuni dans la mosquée à différentes heures du jour et de la nuit, comme les cinq prières qu'on fait cinq fois par jour. Les musulmans se réunissent pour les faire dans la mosquée tous les jours et la nuit cinq fois. Dans le jour et dans la nuit. Et il dit que ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة. نعم وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين وهو الاجتماع لصلاة العيدين وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد. نعم. donc le cheikh il explique que donc on a dit qu'on se réunissait cinq fois par jour et la nuit dans la mosquée cinq fois par jour. Ensuite, il dit qu'il y a une autre réunion ou rassemblement également qui est une fois par semaine, hein, et c'est la réunion ou le rassemblement qu'on fait le jour du vendredi, hein, et c'est pour ça même qu'on appelle cette prière-là al-Jumu'ah, parce que c'est le jour, ça veut dire en arabe, yani le rassemblement, c'est ça que ça veut dire, le jour du rassemblement. Et ensuite, il dit, c'est le jour où un plus grand nombre de personnes se réunissent par rapport aux cinq prières par jour, c'est-à-dire la prière de vendredi, il y a plus de monde qui se réunissent pour la faire que les prières quotidiennes, cinq fois par jour. Et ça, c'est une fois par semaine. Ensuite, il dit qu'il y a un autre rassemblement qui se reproduit deux fois par année. Et ça, c'est le rassemblement pour les prières de Al-Aïd. Et ça, il dit que c'est un plus grand rassemblement encore que par rapport au vendredi, hein, au Jumu'ah. Parce que il se fait pour les habitants d'une ville en entier, hein. Donc, alhamdulillah, ça c'est les trois exemples de rassemblement. Et il dit encore un autre exemple. Il dit ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة وهو أكبر من اجتماع العيدين لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. Il dit également, il y a un rassemblement qui se fait une fois par année, et c'est le rassemblement lorsqu'on se tient sur Arafat dans le Hajj, hein, et ça c'est un plus grand rassemblement encore que le rassemblement pour les deux fêtes de Eid qu'on fait deux fois par année. Donc ce rassemblement-là à Arafat, il est encore plus grand. Et il se fait une fois par année et c'est légiféré pour les musulmans en général de tous les endroits dans le monde. Donc ça fait que c'est un plus grand rassemblement encore. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية لأجل التودد والتحابب بينهم في القلوب ولأجل أن يعرف بعضهم بعضا أو بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين لأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد فيحصل الائتلاف والاجتماع أو اجتماع القلوب على البر والتقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Donc le cheikh il disait que tous ces rassemblements, ces grands rassemblements dans l'islam, ils ont été légiférés juste pour le bienfait des musulmans, pour qu'ils puissent sentir des liens entre eux de bonté et de sentiments qu'ils ont entre eux, et le fait qu'ils s'occupent les uns des autres, et qu'ils sentent de l'amour entre eux et de l'affection entre leurs cœurs, et aussi pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe les uns des autres, avec les autres, yani, entre eux, c'est quoi les situations qui se passent entre eux, et pour qu'on puisse visiter les malades, et pour qu'on puisse yani, s'occuper des gens qui sont décédés pour pouvoir les enterrer, etc. Et pour, par exemple, lorsqu'il y a des gens qui ont un malheur, qui ont un problème, on peut leur venir en aide également pour montrer la force, hein, exprimer la force des musulmans, et pour les faire connaître aux kuffars, et pour leur mettre en fait la colère dans le cœur des kuffars et des munafiqins. Parce que lorsqu'ils vont voir le grand nombre de mu'minines, eh bien ça les dérange et ça les met en colère. Et donc ça montre la force de l'islam. Et il dit également pour aussi enlever entre les musulmans les discordes et les problèmes qui existent entre nous, de désaccords, de haine, ou bien de parfois, des fois, il y a des gens qui se coupent les uns les autres, ils ne se parlent plus pendant des longues périodes. Donc le fait de se réunir comme ça éloigne toutes ces discordes que le shaitan, parmi les shayatines, parmi les hommes et les djinns, essaie de mettre entre les musulmans. Donc le fait qu'on se réunisse comme ça réunit nos cœurs, et il y a une sorte de réunion entre les cœurs sur la piété, sur la bonté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait la tartalifu fa tartalifa qulubukum, c'est-à-dire ne divergez pas, parce que si vous divergez, eh ben vos cœurs vont se diviser. Et ça, c'est dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça avant d'établir la salat. Ça, c'est dans un hadith rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah. الشيخ يزي ensuite ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. الشيخ يزي que parmi les bienfaits de la prière en groupe, il y a aussi le fait qu'on peut éduquer la personne qui est ignorante et qui connaît pas. Et ça aussi, ça fait en sorte que les récompenses sont doublées, sont augmentées, multipliées. Et également, disons que ça encourage, ça motive les gens à faire plus d'actions. Et le fait que les musulmans sont témoins les uns des autres du bien qu'ils font et des bonnes œuvres qu'ils font, eh bien, ça encourage les autres à continuer à faire plus d'exemples et à les suivre, ceux qui font le bien, etc. Donc ça, c'est une motivation. Et il dit le cheikh, « وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين. » Donc le cheikh il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la prière qu'on fait en groupe, elle est meilleure que la prière que quelqu'un prie tout seul de 27 degrés, et dans une autre version de 25 degrés. Et donc ça, c'est rapporté selon la première version, c'est selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma dans Al-Bukhari et Muslim, et l'autre c'est selon Abi Hurayra. La version qui dit 25, elle est rapportée selon Abi Hurayra, Ensuite, il continue le cheikh et il dit فصلاه الجماعه فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الامان وحال الخوف وجوبا عينيا والدليل على ذلك الكتاب والسنه وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف ومن اجل ذلك امرت المساجد ورتب لها الائمه والمؤذنون وشرع النداء لها باعلى صوت حي على الصلاه حي على الفلاح لشيخ الذي que la prière en groupe est obligatoire pour les hommes, qu'ils soient en voyage ou qu'ils ne soient pas en voyage, qu'ils soient en état de sécurité ou qu'ils soient en état de crainte ou dans un état d'alerte, peu importe la situation, et qu'ils soient, peu importe la situation, ils doivent faire la prière en jama'a. Et le cheikh il dit que c'est une obligatoire à chaque individu musulman. Et la preuve de ça, c'est dans le Coran, dans la Sunna et dans l'application des musulmans, siècle après siècle, génération après génération, hein, de père en fils, c'est toujours ramené de cette façon-là. Et il dit, et c'est pour ça que il y a toujours eu des mosquées qui ont été peuplées hein, par les musulmans et où les gens vont et font leur prière cinq fois par jour, et qu'on a établi dans ces mosquées-là des imams et des gens qui appellent à la prière, des muazzinoun, et qu'on a établi que également il y avait l'adhan qu'on entendait et que quelqu'un qui soit en train d'appeler les gens à la prière en disant venez à la prière, venez au succès, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Naam, donc le cheikh dit wa qala Allah ta'ala fi hal al-khawf. Là, le chef, il va montrer des arguments pour montrer que la prière en groupe, elle est obligatoire. Parce que bien entendu, il y a des ulama qui ont dit que c'est pas obligatoire. Toutefois, la position du chef, c'est que la prière en groupe est obligatoire. Et là, il montre les preuves de l'obligation de la prière en groupe. Il dit, قال الله تعالى في حال الخوف وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. D'accord. Ça c'est un des versets dans Sourate An-Nisa, le verset 102. Et ça c'est au sujet de la prière de la crainte. Lorsque les musulmans sont par exemple dans le combat ou dans la guerre, etc., c'est quand il y a un djihad légal hein, avec un imam et tout, et bien là il y aura une prière qu'on fait dans ces situations là qui est un peu particulière par rapport à la prière qu'on fait en temps normal, puisqu'on peut pas également, on peut pas naturellement prier normalement puisque c'est une situation un peu différente. Donc le cheikh il dit, puis lorsque il dit, attends, et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leur arme, puis lorsque ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous, et que vienne l'autre groupe, hein, ceux qui n'ont pas encore fait la salat, alors à ceux-ci d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre les règles à suivre lorsqu'on prie dans des moments de crainte ou des choses de ce genre. Naam. Donc, ce verset-là, c'est le verset que le cheikh a mentionné, puis il l'explique en disant فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ عَلَى تَأَكُّدِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَعَةِ حَيْثُ لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُسْلِمِينَ فِي تَرْكِهَا حَالَ الْخَوْفِ فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، فإن الجماعة في صلاة الخوف تترك لها أكثر، فإن الجماعة في صلاة الخوف تترك لها أكثر أو تترك لها أكثر من أكثر واجبات الصلاة، فلو تأكد وجوبها لم تترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغترفت. اختفرت، لقد اختفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. Donc le cheikh il dit que ce verset c'est une preuve qui montre l'importance hein, et l'obligation de la prière en groupe. Car yani, qu'est-ce que le cheikh, l'argument du cheikh dans ce verset là, c'est quoi? C'est que étant donné que yani, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier en groupe, même dans les situations de crainte, et bien ça montre que en état de sécurité, quand on est en paix, eh bien c'est encore plus obligatoire, parce que s'il y avait une situation qui nécessitait qui nécessite qu'on excuse les gens de prier en groupe, ce serait bien la situation de la crainte, hein, ce serait une excuse, ça aurait pu être une excuse valable de pas prier en groupe. Mais puisque Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les moments de crainte, il nous a ordonné de faire la prière en groupe, et bien dans ce cas-là, ça nous montre que lorsqu'on n'est pas en état de crainte, et bien on a encore moins d'excuses d'abandonner la prière en groupe. Hein? Malgré que même, il dit le cheikh que dans la prière qu'on fait en groupe lorsqu'on est en situation de crainte, il y a la plupart des obligations de la prière qui sont, disons, excusées ou pardonnées. Hein? On n'est pas obligé. C'est-à-dire on n'a pas à les faire malgré qu'elles sont des obligations. Pourquoi? Parce que c'est une situation de crainte. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette prière-là, qui est la prière de la crainte, il nous excuse de beaucoup de choses, mais il ne nous excuse pas de la faire en groupe. Donc, ça montre l'importance de prier en groupe. Et ensuite, il continue le cheikh en disant... وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم جزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. Donc le cheikh il dit, ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que la plus difficile parmi les prières pour les munafiqines, pour les hypocrites, la prière la plus dure pour eux, c'est la prière de Isha à la mosquée et la prière de Fajr. Il dit, s'ils savaient la récompense qu'il y a dans ces deux prières-là, ils seraient venus à quatre pattes. Et ils seraient venus en train de marcher à quatre pattes tellement c'est une récompense énorme. Et il dit, il dit que j'ai même eu l'idée, il a même eu l'idée ou il a même pensé à faire prier les gens avec quelqu'un, c'est-à-dire mettre un imam, hein, pour que quelqu'un fasse la prière avec lui. Et pendant ce temps-là, lui, il commande certains hommes pour venir avec lui avec des morceaux de bois et mettre en feu, les maisons des gens qui ne viennent pas à la prière de Fajr, hein. Et dans ce hadith-là, il a dit, le cheikh il l'a pas mentionné, mais il y a dans une version, le cheikh il dit, si ce n'était pas des femmes et des enfants, hein, qu'il aurait fait ça. Yani. Donc, c'est-à-dire il aurait brûlé leur maison si ce n'était pas des femmes et des enfants qui sont à l'intérieur. Donc le cheikh il dit, « وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ صَلَاتِ الْجَمَعَةِ مِنْ نَحِيَتَيْنِ » Il dit, il y a deux points de vue sur lesquels on peut se baser dans ce hadith-là pour comprendre l'obligation de la prière en groupe. Le premier point, النَّاحِيَةُ الْأُولَى أَنَّهُ وَصَفَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا بِالنِّفَاقِ وَالْمُتَخَلِّفُ عَنِ السُّنَّةِ لَا يُعَدُّ مُنَافِقًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ تَخَلَّفَ عَنْ وَاجِبٍ. Le cheikh il dit que le premier point de vue par lequel on peut prouver l'obligation de la prière en groupe, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué, ou bien il a décrit les gens qui ne viennent pas à la prière en groupe pour Al-Isha et Al-Subh, ou Al-Fajr, qu'il les a décrits comme étant comme, ou comme possédant de l'hypocrisie ou du nifaq. Et il a dit que celui qui retarde, qui ne vient pas à la prière, et si ce serait une sunna, c'est-à-dire si ce n'était pas obligatoire, eh bien on n'appellerait pas celui qui ne vient pas à la prière un munafiq, hein, celui qui prie chez lui. On ne l'aurait pas appelé munafiq si ce n'était pas obligatoire. Et donc le chef dit, donc ça prouve que c'est obligatoire de la faire en groupe et non pas quelque chose qui est permis qu'on peut délaisser. الناحية الثانية لدوزيام بوينت فيو لشيخ ذي أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها والعقوبة إنما تكون على ترك واجب وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذرار الذين لا تجب عليهم الجماعة لشيخ ذي دونك كدوزيام il a pensé même à punir ces gens-là qui ne viennent pas à la prière en groupe à la mosquée, et la punition, c'est seulement lorsque quelqu'un abandonne quelque chose d'obligatoire, Donc ça prouve que c'est une obligation. Le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à faire brûler leur maison, ça prouve que, yani, c'est quelque chose d'obligatoire de la faire en groupe. Et le cheikh il dit que la seule chose qui l'a empêché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire cette punition-là pour ces gens-là, c'est-à-dire de brûler leur maison, c'est qu'il a pensé aux femmes et aux enfants qui sont dans cette maison, qui sont dans ces maisons-là, et pour elles, ce n'est pas obligatoire de prier en groupe, Donc, étant donné que ce n'est pas obligatoire pour les femmes de prier en groupe, alors il n'a pas appliqué cette punition-là sur les maisons, sur les gens qui habitent dans ces maisons-là et qui ne viennent pas à la prière en groupe. Après, il dit, وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. Donc ça c'est un autre hadith que le cheikh mentionne comme une preuve de l'obligation de la prière en groupe. Il dit qu'un homme aveugle était venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'excuser de prier en groupe à la mosquée. Il a dit au messager d'Allah, je n'ai personne pour me guider, pour m'amener à la mosquée. C'est-à-dire, il est aveugle, il ne peut pas voir le chemin. Donc, il a besoin de quelqu'un pour pas qu'il se fasse mal en chemin puisqu'il ne voit pas. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission de prier chez lui. D'accord? Et juste quand il allait s'en aller, juste quand il allait s'en retourner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Il lui a dit, est-ce que tu entends l'appel? Est-ce que tu entends le adhan? L'aveugle a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit, alors réponds à cet appel. C'est-à-dire, lorsque tu entends hayya ala salat, venez à la salat, alors tu dois répondre. Peu importe. Même si c'était un aveugle qui ne voyait pas et qui n'avait pas de guide, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné l'excuse ou la permission de prier chez lui dans sa situation. Alors ça montre l'obligation. Le cheikh il dit, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a commandé d'être présent à la prière en groupe à la mosquée et de répondre à l'appel du muazzin alors que cette personne allait avoir beaucoup de difficultés. Et malgré ça, il lui a commandé de répondre à l'appel. Donc ça montre l'obligation de prier en groupe. Ensuite, le cheikh dit وكان وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقلا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. Il dit que la prière en groupe quelque chose qui a été établi chez les croyants depuis le début de l'islam, depuis même l'époque des sahaba et tout. Donc le cheikh il dit قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يأتي به يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Abdullah ibn Mas'ud, le sahabi, hein, qui dit que, Ibn Mas'ud dit, j'ai vu que, à l'époque des sahaba, personne ne laissait la prière en jama'a, en groupe, excepté un hypocrite, un munafiq, que les gens connaissaient comme étant un munafiq. C'est-à-dire, il était connu comme étant munafiq. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose, c'était pas une personne qui ordinaire qui manquait la prière, c'était quelqu'un, tout le monde savait, ah lui c'est un hypocrite. Donc, ça montre l'obligation de la prière. Et ensuite il dit, et même on voyait l'homme, hein, qui venait, en se supportant à deux hommes, c'est-à-dire il y avait deux hommes qui le portaient, un à droite, un à gauche, et lui il les tient par les épaules, yani par le cou, par les coups. Donc il tient un à droite et un à gauche, et les deux il le supporte pour l'amener jusque dans le rein, hein, pour qu'il puisse arriver à la mosquée. Donc imaginez, subhanallah, même celui qui pouvait pas marcher ou qui avait de la difficulté, deux sahabi allaient le chercher chez lui, et puis ils l'amenaient comme ça, un à droite, un à gauche, et ils le supportaient pour l'amener jusque dans le rang, dans la mosquée, pour prier en groupe. Hein? Aujourd'hui, subhanallah, quelqu'un a n'importe quel petit bobo, puis il dit, ah, ça y est, je vais pas à la mosquée. Donc ça nous montre, hein, l'importance de faire la jama'a, subhanallah, masha'allah. Aujourd'hui, là, on est loin de l'exemple des sahaba à ce sujet-là, malheureusement. Et le cheikh, il dit, فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِقْرَارِ وُجُوبِهَا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن كل أمر لا يختلف عنه أو يتخلف عنه ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. Le cheikh il dit que cette parole de l'imam ou du sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hein, ça confirme l'obligation, hein, de la prière pour les sahaba, c'est-à-dire l'obligation de la prière en groupe pour les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et yani, c'est clair que tout ça, ce qu'ils ont dit, hein, du fait qu'ils ont connu l'hypocrisie de ces gens-là qui ne venaient pas à la jama'a, c'était connu du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait donné l'information au sujet de cette hypocrisie-là. Et le cheikh il dit que c'est clair, hein, c'est clair que toute chose, hein, qu'on sait que si quelqu'un la délaisse, il sera parmi les hypocrites, eh bien c'est sûr que cette chose-là, que ça fait partie des obligations pour chaque individu musulman, hein. Et dans ce cas-là ici, par rapport aux hommes. Yani. Donc, alhamdoulilah. Et le cheikh ensuite, il mentionne un autre hadith. Parce que le cheikh, il mentionne ensuite, il dit, « وَرَوَى الْإِمَامَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءُ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِ اللَّهِ يُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَيَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ ولا يجيبه. Il dit que c'est rapporté par Imam Ahmad selon Mu'adh ibn Anas, et que c'est déclaré Hassan par Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid et Al-Munziri dans Taghrib al-Tarhib. Al-Albani l'a mentionné dans Da'if al-Jami' al-Saghir que le hadith est da'if, donc le hadith est faible, il n'est pas acceptable comme une preuve pour prouver ce point-là. Et le hadith signifie le kufr et le nifaq, c'est celui qui a entendu le muazzin qui appelle à la prière et qui appelle au succès et que quelqu'un ne lui répond pas. Donc, il dit, ça c'est le hadith. Et ensuite, il dit que وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et وأخرج النسائي الشرط الأول منه. Ça c'est un hadith aussi rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i a rapporté la première partie. C'est-à-dire la main d'Allah est sur la jama'a et dans la deuxième partie, ça dit, et celui qui s'est écarté, il s'est écarté vers le feu, hein, ou dans le feu. Non. Donc, ça, c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi, selon Abdullah ibn Umar, et سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار. On a demandé à Abdullah ibn Abbas au sujet d'un homme qui prie la nuit et qui jeûne le jour mais qui ne prie pas en groupe. Il a dit il est dans le feu. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميع مجيب. Non, donc là le cheikh il va parler d'un autre sujet après, suite après, il dit حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. Il dit إن المتخلف, c'est-à-dire c'est quoi le verdict au sujet de la personne qui ne vient pas à la prière en groupe, hein, qui reste derrière, qui ne vient pas à la prière en jama'a. Et yani, qu'est-ce qui se passe avec la prière de la jama'a quand la personne s'en est écartée, il n'est pas venu. Inna al-mutakhallif 'an salat al-jama'a idha salla wahdahu falahu halatan. Il dit que la personne qui n'a pas prié avec le groupe ou la jama'a à la mosquée, lorsqu'elle l'a prié toute seule, elle a deux situations. Il y a deux cas. Al-halatu al-ula أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف وليس من عادته التخلف لولا العذر فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عازما جازما فليكن أو والأمن عازما أو عزما جازما ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي كان بمنزلة من صلى مع الجماعة لنيته الطيبة. Donc la première situation, c'est la situation d'une personne qui est excusée de pas venir prier en groupe à cause d'une maladie ou d'une crainte. Donc pour cette personne là, il dit que cette personne-là, si c'est pas son habitude de retarder de pas venir à la mosquée ou prier en groupe, hein, si c'était pas de cette excuse-là, il viendrait, alors lui, il aura la récompense de la prière en jama'a, même s'il n'est pas venu, parce que il est pas venu parce qu'il avait une raison valable. Donc, Allah va lui donner la récompense de la prière en groupe à cause de son intention, comme c'est mentionné dans le hadith authentique, qui est rapporté par Al-Bukhari, qui dit que lorsqu'une personne est malade ou en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit la récompense de son action, comme il la faisait lorsqu'il était en bonne santé ou quand il n'était pas en voyage dans son pays. Donc le cheikh dit, donc celui qui était, qui voulait faire la prière en groupe, hein, et qui était, décidé à la faire, avec une ferme intention de la faire en groupe. Toutefois, il y a eu quelque chose qui l'a empêché, une excuse valable, légale, islamiquement, pour l'empêcher de faire la prière en groupe, eh bien, il aura la même récompense que s'il avait prié en groupe à cause de sa bonne intention. Et la deuxième situation au sujet de la personne qui ne vient pas à la prière à la mosquée, ou qui ne prie pas en groupe, il dit أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور ولكن يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد. Donc le Cheikh il dit que dans le deuxième cas, c'est une personne qui a retardé ou qui n'est pas venue à la mosquée, hein, qui n'est pas venue prier en groupe, sans excuse. Et celui-là, s'il prie tout seul, sa prière est valable, hein, selon le Jumhur, c'est-à-dire selon la majorité des savants. Toutefois, il perd de grandes et d'énormes récompenses. Le fait que quelqu'un prie en groupe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est meilleur que de prier tout seul par 27 degrés de différence. Et le Cheikh, il dit que également la personne qui prie toute seule à la maison, elle perd la récompense des pas que quelqu'un fait lorsqu'il marche pour aller à la mosquée. Et on sait que chaque pas qu'une personne fait, ça l'élève d'un degré et ça lui efface un péché. Donc c'est une grande récompense, yani, qu'il a gaspillée. Et le Cheikh dit ensuite, وما خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما لأنه ترك واجبا عليه ترك واجبا عليه من غير عذر وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. Donc le Cheikh il dit que la personne qui yani, retardé de la prière, qui n'est pas venu à la mosquée, celui-là il a perdu une grande récompense, il a fait un grand péché parce qu'il a abandonné ou qu'il n'a pas fait une grande obligation, quelque chose qui est obligatoire sans excuse. Donc celui-là il a fait un péché grave et il doit donc être puni et on doit disons dénoncer l'action qu'il fait envers le responsable ou l'autorité pour qu'il revienne à son droit chemin. D'accord? Et ensuite, donc, ça termine ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, on continuera la semaine prochaine dans ce chapitre, parce qu'il y a d'autres points importants au sujet de la prière en jama'a. Donc, on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, on va s'arrêter ici, puis... Et puis donc, on continuera, comme je dis encore une fois, la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.